Je sais, tout est fini. J'ai perdu ta confiance. Néanmoins, je te prie de m'accorder ma chance. Si devant mon remords, tu restes indifférente, on ne peut te donner tort. Mais sois donc indulgente au long des joies que nous avons vécues, au nom de l'amour que nous croyons perdu. Sans toi, ma nuit, le temps est si lourd, les heures et les jours sombre sans espoir, sans toi, mamie. Sans toi, mamie.